sakiku. Les voyons tiens que yo pas les respecte. Est-ce que t'irais les des bras croisés? Contempler ça au pâté, garder. Yo qu'a fait la guerre pour briser l'homme. Mais jamais accepté la vérité. Et ce que j'ai dit, ma nodine est contenue. Ton Dieu ne peut pas laisser y faire. Bon Dieu, peut pas laisser y'a fait.